sur la cirrhose. Nombrinal cacapoète. Poète, poète, laissez passer. J'ai une carte blanche où y a rien de marqué. Laissez passer du vin blanc dans les veines. J'ai la tête en morceaux. J'allais de mon estomac gros. De gruyère râpée, de solitude, de cervicale, parce que je l'ai raté. Ma notoriété, j'suis pas reconnu. J'voyage incognito, les oreilles bien au chaud. Tout mon chapeau, même que c'est un béret. Parce que je fais des poésies irrégulières sur la cuvette de mes envies. Un carton rouge au derrière, j'suis constipé, mais les tickets coincés dans ma braquette. Au semblant d'ivoire, moi je suis tout noir. Il y a quelque chose qui me crève les yeux. Mais oui, bon sang, c'est évident. L'ampoule est morte et où ai-je mis mes pantalons? J'suis coincé là-dedans et je rougis tout doucement. Y'a la glace qui me regarde et puis je ris car dans le noir. Impossible d'y voir, car dans le noir c'est impossible d'y voir blanc. D'y voir blanc, y'a que les éléphants, et tout le monde sait le monde, que c'est du papier mâchouillé, yeah. Et qui n'y voit pas bien, les éléphants, et qui n'y voit.